bien trop court une vie pour percer ce mystère. Aventurier transi, frappé par des éclairs, comme un cadeau d'un dieu, nous pauvres animaux, un plaisir pour les yeux qui verrouillent nos cerveaux. Admirer, convoiter, victime de nos peurs, elle vient panser nos plaies, aiguise nos ardeurs. Chimie des sentiments ne peut pas expliquer le pouvoir d'un aimant, c'est tout sauf un objet. Femelles, femmes de Paris, de New York ou Tahiti, femmes et mères de tout pays, de Saturne à Pompéi. Femelles, femmes émancipées, en guépière ou en corset, mères de l'humanité, habillées de leur nudité. La merveille reçoit notre respect. La plus pure des merveilles, se comprendre et risquer. Elle est notre origine, une ode à la beauté. Sa douceur nous fascine, qu'elle soit sirène ou fée. Dessinée dans la grâce, troublante nudité. Parfois rebelle ou garce, privée de liberté. Labyrinthe vivant, si dur à explorer. Ou bien des innocents n'ont pas trouvé la clé. Femelles, femmes de Paris, de New York ou Tahiti, femmes et mères de tout pays, de Saturne à Pompéi. Femelles, femmes émancipées, en guépière ou en corset, mères de l'humanité, habillées de leur nudité. Les anges ont bien un sexe, ils peuvent être démons. Une alchimie complexe qui dépasse la raison. Énigme si charnelle, esprit inaccessible, la plus pure des dentelles, qui sépare l'invisible, de fines grises acérées, sur des mains de satin, un miel empoisonné, de mondes aux anciens, énigmatique ivresse, qui nous prend à la vue, du pouvoir des déesses, leur joli petit cul. Femelles, femmes de Paris, de New York ou Tahiti, femmes et mères de tout pays, de Saturne à Pompéi. Femelles, femmes émancipées, en guépière ou en corset, mères de l'humanité, habillées de leur nudité.